Alors, ce matin, c'est une thématique. Et puis, la semaine dernière, on a parlé avec notre frère, a parlé dans Tite et dans Timothée que cette parole est certaine. OK? Et puis, j'ai décidé de choisir que la vérité, on a vu ce matin dans la vie d'Evelyne, que la vérité a transformé son cœur. C'est important de réaliser cela. Alors, puis ce qui est très intéressant, Daniel nous a amené en 1 Timothée 4, 9, c'est là une parole certaine et entièrement. C'est assez spécial. Des fois, on ne s'arrête pas sur les mots. L'apôtre Paul n'a pas dit c'est à demi que tu pourrais, mais entièrement digne de confiance. Alors, c'est la vérité. Alors, la vérité. Au cours des siècles, les philosophes ont essayé de répondre à cette question. De nombreuses religions s'en sont emparées. Des scientifiques ont commencé à prétendre être les seuls arbitres de la vérité, mais la question reste en suspens. Qu'est-ce que la vérité? Hein? On se souvient tous d'une histoire dans la vie de Jésus avec Pilate. Et Pilate mit fin à la discussion avec Jésus en posant une question. Laquelle? Qu'est-ce que la vérité? C'est sûr que c'est pas facile à définir. Pour moi, là, j'ai essayé de voir dans la Bible, là, mais pas, je parle pas de la Bible, mais comment peut-on définir la vérité? À notre époque, ce qui arrive, c'est que plusieurs proclament que toutes les vérités sont relatives, que toutes les vérités sont bonnes. Si ça te fait du bien, ça veut dire que c'est correct. Okay? Il y a plus de vérité absolue. C'est difficile. Alors, quand tu parles de la vérité, il va dire, ben oui, c'est une vérité pour toi. Okay? Mais ce qui est intéressant, suivez-moi là, il y a un petit quelque chose là. Si la vérité absolue n'existe pas, que c'est tous des vérités relatives, si on dit que seules les vérités relatives existent, cette déclaration n'est-elle pas une vérité absolue? Est-ce que vous me comprenez? Les gens disent, il n'y a pas de vérité absolue, c'est juste des vérités relatives. Alors, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Une vérité absolue. Hein? Les gens ne s'écoutent pas. Comme dirait mon ami, ce n'est pas logique avec eux-mêmes. Alors, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est une connaissance conforme au réel. Okay? Qu'est-ce qui est réel? Ce qui est conforme. Ce qui est contraire, là, ça va nous aider plus. Ce qui est contraire au mensonge et à l'erreur. Connaître, dire la vérité sur quelque chose. La vérité s'exprime et communique que c'est vrai. Vous savez, la vérité est universelle et éternelle. Ce qui est vrai. Et ce qui est vrai pour toujours et partout et pour tous. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Si c'est vrai, là, c'est vrai pour tout le temps. C'est ce qui fait la différence avec la théorie, avec une théorie. Tu sais, des fois, on mêle les deux, là. OK? L'évolution, c'est une théorie. C'est pour ça qu'elle change en s'en allant. OK? Vous saviez peut-être pas, mais votre arrière-arrière-grand-père est un poisson. Je ne sais pas si ça vous encourage. Hein? L'évolution. Ah, ça a fait quelque chose de beau, hein? L'évolution, vous ne trouvez pas? Ah, j'ai écouté un documentaire. Il semblerait qu'on avait une queue. Un jour, parce qu'on a le coccyx. Alors, la question, ils n'ont pas été capables de répondre, c'est quand on l'a perdu? Ça, ils n'ont pas été capables de répondre à ça. Alors, c'est intéressant de savoir que l'évolution, mais c'est une théorie, ce n'est pas la vérité. Au moins, ils le disent. Voici, c'est une théorie, au moins. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est où est la vérité? Pour nous, c'est important. David nous donne déjà une indication. Dans le psaume 31, verset 6, il dit, Notre Dieu est un Dieu de vérité. La vérité, si vous avez lu un peu dans le verset ou les versets que Daniel vous a envoyés, dans le verset de titre 1, verset 2, il nous est dit que c'est le Dieu de quoi? Le Dieu qui ne ment point. Hey, c'est-tu encourageant, ça? Ça veut dire que Dieu, à chaque fois qu'il parle, c'est la vérité. C'est quelque chose de côtoyer quelqu'un qui dit toujours la vérité. Hein, vous savez, en tant que lorsqu'on voit ça au début d'un procès, hein, les gens vont leur demander de jurer, de dire rien que la vérité, elle a toute la vérité. Je ne suis pas sûr, en tout cas. La vérité. Mais nous, Dieu, un Dieu qui ne ment point. C'est intéressant parce que dans le contexte de la mythologie grecque, les dieux, là, les dieux que les Grecs se sont créés, ils mentaient tout le temps puis ils trompaient tout le temps les hommes. Et là, Paul dit, le Dieu qu'on connaît ne ment point. Ça devait être rassurant pour les Grecs, hein, dans ce sens-là. On a aussi un autre endroit qu'on peut trouver la vérité, c'est la parole de Dieu. OK? Jésus a dit, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Alors, la parole de Dieu répond à trois questions existentielles. C'est clair. Notre origine, on a été créé par une intelligence. On n'a pas été créé par le hasard. En tout cas, si c'est le hasard qui existe, il fait bien chaud, il fait bien les choses. Mais ça me surprendrait. Deuxièmement, il répond à la question, pourquoi on est sur cette terre? Et troisièmement, c'est où est-ce qu'on va? Et ça, les gens, je voyais dans un des journaux cette semaine, qu'il y avait un acteur à la télé, « J'ai peur de mourir ». Pourquoi? Parce que généralement, ils ont peur de mourir parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est ça qui est important de réaliser. Il y a un autre, je dirais, une personne où est-ce qu'on peut trouver la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, « Je suis la vérité ». Et ça, là, il n'y a pas un prophète, aucun homme sur cette terre qui a osé dire cela. « Je suis la vérité ». Et notre frère nous faisait réfléchir sur des expressions « en vérité, en vérité ». Alors, dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Évangile de Jean, cette expression « en vérité » arrive 54 fois. Je les ai comptés en français, pas en grec. OK, je les ai comptés en français. 54 fois. Puis, une autre expression, « je vous le dis en vérité ». Jésus utilise cette expression. On a 31 fois dans Matthieu cette expression, 16 fois dans Marc et 10 fois dans Luc. Plus que 100 fois. Que Jésus nous a dit, en vérité, ce que je vous dis là, écoutez-le, c'est important. C'est lui qui a la vérité. Et je dirais que, où ce que je trouve ça intéressant, c'est que dans Paul, il dit dans Galates 5 et 14, il dit, la vérité de l'Évangile. Il me semble que c'est la première fois que je voyais ça. La vérité de l'Évangile. Alors, on a des endroits certains et sûrs et vrais qu'on peut aller chercher la vérité. Et ce matin, j'aimerais prendre un exemple, parce qu'on a le baptême, où est-ce qu'on peut voir l'application de la vérité de l'Évangile chez une personne. Et cette personne que j'ai choisie, c'était le geôlier, parce qu'on a eu un baptême ce matin. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Acte 16, s'il vous plaît. Acte 16, oui, le geôlier. Toute une histoire, là, on peut voir vraiment... alors, l'histoire de geôlier, acte 16. Alors, à partir du verset 16 à 29, c'est l'introduction, okay? C'est le contexte qu'on va voir. Je vais le lire. Alors, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. J'ai fait ma petite recherche, c'est très intéressant. On les appelle ceux, vous allez voir que cette femme-là, elle a des maîtres. Puis les maîtres, on les appelle les pythonistes. J'ai trouvé ça assez intéressant. Les pythonistes, OK? Alors, les maîtres de cette femme-là, c'est des pythonistes. Alors, je n'ai pas entendu ça souvent dans ma vie, je dois vous avouer. Alors, ces hommes, OK? Alors, elle suivait nos amis, en devinant et procurant un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à nous suivre, et Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Puis là, c'était très intéressant. Paul, là, il était fatigué. Là. Cette année, admettons, vous avez quelqu'un qui vous suit à chaque jour, puis qui vous crie dans le dos. T'as beau d'être patient, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Là. Et là, Paul, il s'est retourné. Il dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Là, ils venaient de perdre leur revenu. Ils avaient perdu leur business, leur entreprise. Ça leur rapportait gros d'avoir une femme possédée par un esprit de Python. Alors, ils les amènent devant les magistrats, ils les présentèrent au prêteur, et en disant « Ces hommes troublent notre ville. » Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Et la foule se soulevèrent aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de vierges. Alors, quelle est la différence entre les magistrats et les prêteurs? Les magistrats, généralement, c'était les juges, et les prêteurs, c'était ceux qui administraient ce jugement-là. Okay? Alors, ils ont été coupables, déclarés coupables, et les prêteurs vont administrer cette justice-là, puis ils vont les mettre en prison. C'est eux qui s'occupent de ça. C'est la différence entre les deux. Après les avoir eus chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans une prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors, comme on peut voir, nos amis, quand on regarde ça à vie humaine, on est dit, ils sont vraiment, là, ils n'auront plus rien à faire, tout est perdu pour eux. Vous savez, souvent dans nos vies, il nous arrive des activités, il nous arrive des éléments qu'on n'a pas le contrôle, puis qu'on pense que c'est terminé, mais des fois, il y a quelque chose d'intéressant au travers de ces événements qui peuvent nous troubler. Souvent, je prie, je dis, Seigneur, fais, parce que Proverbe nous dit, on ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. D'accord avec ça? Ça peut très bien commencer, puis malheureusement, je ne peux pas vous décourager, là, mais vous pouvez finir à la morgue, OK? On ne sait pas qu'est-ce qui peut. Puis des fois, vous ne savez pas l'heure non plus. Mais une chose est sûre, Dieu utilise ça puis il fait ressortir une belle fleur au travers de tout ça. Et c'est ce que nous allons voir ici ce matin. Maintenant, ce qui nous intéresse là, va vraiment là, nous amener à avoir des réponses à certaines questions. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Déjà là, moi je ne sais pas là, mais me fait fouetter ou me fait battre, fait mettre en prison, fait remettre les... Mais ça, je n'aurais pas le goût de chanter, ce n'est pas pour vous là. Hein? Mais ces gars-là, ils chantent, font la louange. Puis dites-vous une chose, je ne sais pas si vous avez... Une chose est sûre, des fois, on n'est pas conscient, mais quand tu te faisais frapper, la peau fendait, OK? Soit probablement c'est frappé ou par le fouet. Puis le problème, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous vous blessez sérieusement, la peau rétrécit, OK? Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Moi, je me suis fait opérer dans mes petits doigts. Puis regardez qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. La peau rétrécit quand ça guérit. Alors, eux, quand ils étaient frappés dans le dos, là, puis qu'ils restaient assis, là, puis que ça guérissait, quand ils se levaient, qu'est-ce que vous pensez qui arrivait? Ça devait être douloureux, extrêmement douloureux. Alors, mais eux, ils chantent, puis les autres les entendent, et c'est intéressant de voir leur attitude. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'était clair que c'était mieux qu'ils se tuent, parce que les geôliers étaient responsables des prisonniers. Si un des prisonniers se sauvait, là, ne donnait pas cher de sa vie. Puis il pouvait souffrir. Puis on pouvait le torturer. Fait qu'il a dit, tant qu'elle me fait torturer, je vais me faire un suicide. Okay, je vais m'enlever la vie. Mais non, Paul criait d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Je sais pas si vous êtes déjà demandé, là, mais tu es prisonnier dans cette prison-là. Ça fait 20 ans que tu es là. Tout à coup, ta porte de ta cellule s'ouvre, tes liens tombent à terre, tes chaînes. Moi, il me semble, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, il me semble, j'aurais pas resté là. Moi, il me semble, là, j'aurais dit, gardez-le là. C'est le temps ou jamais. Je me pousse. Mais ce qui est très intéressant, ça doit avoir pris de la puissance pour ébranler les fondements de la prison. Mais ça doit avoir pris de la puissance aussi pour garder les gars en dedans. C'est puissant, là, qu'est-ce qu'on est en train de parler. C'est très puissant de voir que Dieu a gardé les prisonniers à l'intérieur. Et ça nous montre comment il est puissant ici ce matin. Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir. Il les fait sortir de leur cellule et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ici, on a la question existentielle la plus importante de l'être humain. C'est la question la plus importante. Parce qu'un jour ou non, tout le monde ici, ou tous ceux qu'on connaît, vont mourir. Tous ceux, un jour ou l'autre, tu as beau penser que tu ne mourras pas. J'écoutais le témoignage de Charles Aznavour. Vous connaissez Charles Aznavour? Il est mort à 99, je pense. Puis dans son interview, il dit, « Je ne veux pas mourir. » Mais tu vas mourir. Parce que ça fait pas. Si tu crois que c'est une vérité relative, là, je peux te dire que c'est une vérité absolue. Tu vas mourir. T'as beau te prendre des pelules pour arrêter le vieillissement, mais tu vas y passer. C'est important de réaliser ça. C'est la question la plus importante pour l'être humain. Cette semaine, pas pour vous décourager, mais j'ai été faire mes pré-arrangements funéraires. OK? Je crois vraiment que je vais mourir un jour. Vous pouvez voir, je vais mourir. Alors, j'ai été voir, je ne ferai pas de l'annonce pour le salon, là, mais j'ai été voir. Et puis, c'était très intéressant. C'est une dame qui a pris soin de moi, puis qui répondait à mes questions. Puis, tout en s'en allant, à un moment donné, en attendant que le contrat soit fait, elle me dit, pouvez-vous me dire, M. Morissette, c'est quoi la différence entre les évangéliques et les catholiques? Hey. J'attendais juste cette question-là, là. Hein? J'attendais juste cette question-là. Puis là, c'était tellement ouvert que je ne savais plus par quel bout comment. J'ai commencé par une niaiserie. Moi, j'ai dit, la différence entre moi et un évêque, ben, j'ai le droit de me marier puis j'ai des enfants. T'sais, j'ai commencé comme ça. Mais là, le petit hamster a été rapidement. J'ai dit, généralement, la grande différence, c'est pour aller au ciel. Et ça, c'est la plus grande différence. C'est important de réaliser ça. Puis là, j'ai osé lui dire que pourquoi Jésus était venu, puis pourquoi on était capable d'aller au ciel, c'est parce qu'il y a deux vérités dans le Nouveau Testament quand Jésus est venu. La mauvaise, c'est qu'on est perdu. Que dois-je faire pour être sauvé? Et là, j'ai été gentil, poli. Et puis, là, je lui ai dit qu'il y avait deux endroits après cette vie. C'est la vie éternelle ou l'enfer. J'ai pris un mot pour qu'elle puisse comprendre. OK? Puis, voyez-vous, ce qui est malheureux aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. De la séparation de l'éternel, du jugement, de la condamnation. On n'en parle plus. J'ai dit, on nous enseigne que tout le monde va au ciel. Puis c'est pas vrai. Ah, je dis ça de même, là. Je suis en train de lui parler, là. Je dis, c'est pas vrai. Parce que je le sais qu'elle, je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais quand tu vas au salon funéraire, le gars, il aura beau d'avoir la vie qu'il a menée, il va répondre à nos prières. Hein? Il nous écoute. Le mort nous écoute. Le mort va répondre à nos prières. Écoutez, j'ai un de mes oncles, là, je dis ça humblement, il était alcoolique, là. Puis pas à peu près. Il buvait son café avec une paille. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il shake trop. Ça sent ça, le café aurait sorti de la tasse. Il le boit. Cet homme-là est mort en état d'ébriété. Il ne sait même pas s'il est mort. Il n'a rien vu de venir de la mort. Mais quand, là, il était au salon funéraire, il nous écoute. En passant, il s'appelait Noé. Noé, j'ai eu un oncle qui s'appelait Noé. Hey, là, écoutez, là, ça dérape, là. Mais l'enfer existe, mes amis. Puis je lui ai dit, s'il n'y aura pas de danger pour l'être humain, aujourd'hui, si tout le monde ira au ciel, pourquoi Jésus serait venu mourir sur une croix? Dites-moi. Puis j'ai terminé, c'est soit qu'il est intelligent, cet homme-là, ou soit qu'il soit fou. C'est un des deux. Bien, j'ai dit, je crois que Jésus dit la vérité. Je crois que l'homme est en danger. Je crois que l'homme est en danger. Une des façons que je fais quand je prêche l'Évangile, j'attends, on échange, on parle, puis souvent j'attends la question de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? J'attends cette question-là. Parce que souvent, des fois, on va donner trop d'informations, puis la personne ne comprendra pas pourquoi qu'elle aurait besoin d'un sauveur. Notre sœur nous l'a dit ce matin, elle croyait qu'elle était perdue. Elle croyait que si elle mourait, elle n'allait pas au ciel. C'est ça. Alors, l'enfer existe. Il y a un livre en bas à la bibliothèque, ça s'appelle, le titre, « Où est passé l'enfer? » Hein? Où il est passé? Puis en passant, là, il y a tellement, c'est une mine d'or qu'on a en bas, là. Puis que l'Église a accumulé ça pendant des années. Je vous encourage à aller voir ça. Puis Rénal, il en a pris, je ne sais pas, bien des années, là, Rénal, de cette bibliothèque-là. Alors, c'est important, il y a des trésors, des pépites d'or là-dedans. Allez-y, c'est important. Alors, il y a un livre qui s'appelle « Où est passé l'enfer? » C'est sûr. Quand vous pensez à ça, ça dépasse notre entendement. Mais il faut que vous compreniez que Jésus était le Fils de Dieu. Il faut que vous compreniez que Jésus était Dieu. C'est mes péchés. Mes péchés ont... C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas juste un homme normal qui est mort sur cette croix-là. Alors, c'est important de réaliser cela. Alors, notre ami pose la question ici. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Peut-être que tu te la poses ce matin, la question. Qu'est-ce que tu dois faire? Et ça, c'est important de réaliser ça, là, ce matin. Parce que notre ennemi, on l'a vu tantôt, c'est la mort. On ne sait pas quand on va mourir. Hein? On ne sait pas. Ah oh, là, je vais être là encore dans 10 ans. Hey. Qui peut dire ça matin, là? Amenez-le dehors, s'il vous plaît. Non, tu ne sais pas, même après-midi. Hein? J'ai des amis, un homme que je connaissais, il jouait au hockey, il s'est assis sur le banc parce que quelqu'un d'autre a pris sa place, puis quand il s'est assis, c'est fini, il tombe à terre. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et là, tu as besoin de savoir où est-ce que tu t'en vas. C'est sûr que si tu ne crois pas que tu es perdu, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu n'as pas besoin. Le jour que tu crois que tu ne vas pas au ciel, le jour que tu crois que tes péchés te séparent de Dieu, ton Créateur, puis que le jour que tu crois que quand tu meurs, tu ne vas pas au ciel, laisse-moi te dire que tu commences à réfléchir. Quand moi, ça m'est arrivé, je n'avais pas traversé la rue après. Parce que tu dis, là, si je meurs en me faisant traverser la rue, là, je sais que je n'y vais pas. Je le sais. Alors, ça fait toute une différence. Mais ce matin, on a la vérité. On a une réponse à notre question. On a une réponse et on va voir qu'est-ce que notre ami Paul et Silas vont répondre. Au verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est le Seigneur Jésus qui est le sauveur de ce monde. Bouddha, il ne s'appelle pas sauveur de ce monde. Même si j'ai un grand respect, j'ai un respect envers Mahomet, mais il ne porte pas le titre d'être un sauveur du monde. La seule personne qui existe et qui a existé dans ce monde, qui porte ce titre-là, sauveur du monde, c'est Jésus. Alors, il faut se souvenir de ça. C'est important. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, il va expliquer cette déclaration au verset 32. Parce que des fois, les gens m'ont dit, « Ouais, mais c'est facile, crois au Seigneur Jésus. » Ben, j'y crois. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est élevés ici au Québec. OK? Puis, la doctrine catholique, là, on l'a tous eu. Moi, mon baptême par aspersion, je sais que Jésus, là, mais, tu sais, on est élevés, on connaît Jésus. Peut-être la nouvelle génération, c'est plus difficile pour eux, là. Hein? Parce que peut-être qu'ils pensent que Jésus vit d'une bulle, peut-être que Jésus, c'est un extraterrestre, on ne sait pas. Mais il y a plein de définitions pour eux. Mais pour nous, qui avons un certain âge, ça fait longtemps qu'on entend parler de Jésus. Mais de connaître Jésus puis de croire en Jésus, ça, c'est une autre histoire. Vous êtes d'accord avec ça? On connaît tous M. Justin Trudeau. On est d'accord avec ça? Vous n'avez pas l'air sûr? C'est notre premier ministre en passant, juste pour vous dire. Okay? Ça serait intéressant, au moins important que vous sachiez c'est qui votre premier ministre canadien. Mais de connaître Justin, M. Justin Trudeau, puis de croire en lui, c'est une autre histoire. On est-tu d'accord avec ça? Alors, c'est la même chose avec Jésus. Ah, Jésus, on le connaît. Ben oui. Mais de croire en lui, ça, c'est une autre histoire. De mettre ma vie d'entre ses mains, c'est un autre domaine. Et c'est ça qui est dans... Et là, il leur dit qu'il lui expliqua. Mais je me suis demandé, ben, qu'est-ce que l'apôtre Paul leur a bien pu leur dire? Quelle explication qu'il a donnée? Puis là, j'ai pensé ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens. Gardez votre main dans Actes, mais tournez avec moi dans 1 Corinthiens 15. On a une partie de l'Évangile que, du moins, on peut voir que Paul partageait. 1 Corinthiens 15. Alors, Paul a donné des explications. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Alors, si vous voulez prendre 1 Corinthiens 15, verset 1, « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé. » C'est ça le message, la vérité de l'Évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Puis là, il décrit son Évangile. C'est ceci, « Je vous ai enseigné, avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » La première des choses qu'on doit se souvenir, c'est l'explication qu'a donnée au geôlier, selon les Écritures. Et puis là, il va rajouter, il a été enseveli. Okay? Ça veut dire qu'il est mort. On l'a mis dans un tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et puis là, on pourrait juste lire verset 5, et qu'il est apparu à Céphas, puis au 12. Alors, il est clair que Paul et Silas ont expliqué plus au joaillier. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? On n'a pas son nom. Vous n'aimeriez pas savoir son nom? Moi, j'aimerais bien. On va le savoir un jour. On va le rencontrer au ciel. C'est toi, le gars, là? Hein? C'est toi qui t'occupais de la prison, là? C'est quoi ton nom? Hein? Alors, ça va arriver un jour, dans ce sens-là. Puis là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. OK? Parmi nous, là. OK? Il dit, Paul et Silas répondirent, « Crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Souvent, malheureusement, j'ai vu que des croyants, des chrétiens qui ont pris cette promesse-là pour eux. OK? Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cette promesse-là était due, elle était donnée à qui? Au geôlier. Puis on va voir la fin de son histoire, que toute sa famille va s'être convertie. Cette promesse-là est arrivée dans cette soirée-là. Toi et ta famille. Soyez prudents des fois. Il y a des choses qui sont données expressément à des gens, mais il y a aussi des promesses qui sont données, qui sont générales à tout croyant. Mais il y a des promesses qui sont directement liées à une personne. OK? Ça va? J'espère que je n'ai pas pété votre ballon ce matin, mais... Puis c'est pour ça que je le dis, parce que j'ai rencontré des chrétiens qui croyaient que c'était une promesse, puis ils étaient déçus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ouvre une petite parenthèse ce matin. Parce que si tu crois que ça te revient, cette promesse-là, puis ils ne sont pas sauvés, là, tu dis, Dieu, tu ne tiens pas tes promesses. Il ne t'a pas fait cette promesse-là à toi. Il l'a fait au geôlier. Et dans la même soirée, dans la même nuit, lui et sa famille se sont convertis. Maintenant, quand j'ai dit le titre « La vérité qui transforme le cœur », vous allez voir que le geôlier, la vérité de l'Évangile, a transformé son cœur. Et regardez qu'est-ce qui se passe après. Verset 32. « Et il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lavait leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. On a vu que dans Tite, qu'il y avait les bonnes œuvres, OK? Que la vérité de l'Évangile, ce qui se passe à l'intérieur de nous, va s'exprimer à l'extérieur par des bonnes œuvres. Puis si vous remarquez, l'expression « bonnes œuvres », c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas pour ceux qui ne le sont pas. C'est pour les croyants et non les incroyants. Intéressant. Alors, tout de suite, on peut voir que cet homme-là, le geôlier, son cœur a été transformé par la vérité de l'Évangile. Et puis, tout de suite, ça l'a paru. Pensez-vous qu'un geôlier a amené un prisonnier dans sa maison? Ça ne doit pas avoir arrivé souvent. Ici, on voit. Puis, qu'est-ce qu'il fait, Silas et Paul? Il prend soin de leurs plaies. Et ça, ça devait être encore plus rare. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que cette vérité a transformé le geôlier. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a donné à manger. Il les a amenés dans sa maison. Les bonnes œuvres. C'est ce que Tite nous dit. Hein? Afin de pratiquer les bonnes œuvres. On ne peut pas voir dans le cœur des gens. Même chose est sûre, il faut que ça soit de l'intérieur vers l'extérieur. OK? C'est important de réaliser ça. Il leur lave les plaies, il leur dresse une table, puis on peut voir, je dirais, que le témoignage, il décide de se faire baptiser. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas combien il y avait de monde dans cette famille-là. Je ne sais pas s'il y avait un gros bac, une piscine ou je ne sais pas quoi. Mais ils ont tous été baptisés dans la même nuit. C'est quand même, ils étaient deux gars, moi. On ne sait pas trop. Parce que généralement, il va y avoir des esclaves, des enfants. Tu sais, ça devait être une famille, là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ils ont tous été baptisés. Et je dirais, pour terminer là, cette histoire-là, ici, ce matin, c'est que le verset 34, regardez, les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger, et quoi? Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Vous savez, le jour qu'on est converti au Seigneur Jésus, c'est qu'on est content, on est heureux. Est-ce que vous avez remarqué ça chez Evelyne ce matin? Un peu plus, ça sortait du bain, hein? Vous avez remarqué? Ça a été dangereux pour moi, là. OK? Mais qu'est-ce qui crée cet enthousiasme-là? Qu'est-ce qui crée cette joie-là? C'est le Seigneur! C'est merveilleux, ça! Un chrétien qui est tout le temps triste, là, j'arrête la misère. Peut-être qu'il y a quelque chose, il est peut-être malade, là. Mais généralement, tu devrais te réjouir. Généralement, tu devrais être heureux. Ah oui! Alors, pour ceux qui sont plus vieux, j'ai été baptisé ici, moi, au bâtiment, dans le baptistère, il y a 40 ans. Il y en a-tu qui étaient ici depuis 40, il y a 40 ans? Il y en a qui sont partis rejoindre le Seigneur. Hein? Hey, j'étais heureux, mais j'ai pleuré 5 minutes avant de commencer. Là. C'était des larmes de joie. J'étais tellement heureux. Pardon? Ouais, ça coulait. Alors, juste pour vous dire, la joie du Seigneur. Okay? Alors, c'est important, ce matin, je termine avec ça. Si toi, tu n'es pas sauvé ce matin, ce n'est pas une question d'être orgueilleux, ce n'est pas une question de que tu es meilleur qu'un autre. Notre frère Denis a prié ce matin. On est sauvé par grâce. On est une gang, on est méchants. On est des pécheurs. Alors, mais ce matin, Jésus est disponible à te sauver. Tu n'es pas obligé d'attendre à minuit cette nuit. Il peut le faire ce matin. Okay? Alors, si tu veux avoir d'autres, peut-être d'autres réponses ou tu as d'autres questions, fais-le après le service. Va voir des personnes qui peuvent répondre. Mais ce que je t'encourage, fais-le le plus tôt possible. Si tu crois que tu es perdu, trouve-toi, puis il y en a juste un sauveur, c'est Jésus. Alors, je t'encourage à vraiment à aller de l'avant. Maintenant, peut-être, comme on va, je vais revenir à 1 Corinthiens, le chapitre 15. Je vais terminer par la prière. Après ça, pendant la prière, je vais inviter nos musiciens à venir pour les derniers. Si vous voulez revenir avec moi dans 1 Corinthiens 15. On va aller dans la prière maintenant. Courbons-nous. Alors, comme l'apôtre Paul, Seigneur Jésus, nous a enseigné depuis 2000 ans, Seigneur, tu es toujours disponible, tu es toujours présent parmi nous. Et Seigneur, ce matin, tu as encore la puissance et le désir de sauver ce matin. Alors, premièrement, tu nous enseignes que Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que tu crois que tu es un pécheur ce matin? Est-ce que tu crois que tu fais des péchés? Est-ce que tu crois que tu es séparé de Dieu parce que tu es un pécheur? Aucun pécheur ne pourra aller en présence de Dieu. Même si tu essaies de gagner ton ciel, même si tu essaies de faire le bien, tu restes toujours que tu es un pécheur. Deuxièmement, Paul nous rappelle, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix, a été mis au tombeau? Qu'il est mort pour toi, qu'il est mort pour nous. Et que Dieu l'a ressuscité. C'est vraiment le sceau que Dieu, notre Créateur, a permis qu'on puisse voir qui est le sauveur de ce monde. C'est par la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité? Si tu crois ces trois éléments, il te reste une chose ce matin. C'est de demander à Jésus qu'il vienne te sauver. Et tu peux avoir la certitude que si tu lui demandes, il va te sauver. Peut-être que ce matin, toi, ça fait un bout de temps que tu n'as pas eu cette relation avec le Seigneur. Peut-être que tu t'es éloigné. Mais Seigneur, ce matin, sache qu'il peut te pardonner aussi. Alors, Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que, encore une fois, tu es puissant. Il n'y a pas un pécheur que tu ne peux pas pardonner et sauver. Alors, merci pour ce temps que tu nous as donné ce matin. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, mon frère.